Frida. La carte habitée de Bengayan Zot, on a perçu que tu ne n'as que la Kamboula. Boutique Angola Libanda, et n'as que l'imboula. Oh, Baninga, IAC. Cabinet Molili, et moi, la Kamota Kabili était. Sans ma face, par la mission, la promesse, quoi qu'il m'en mette au balacacayo, Oye yo sofota kateo Babu kalaba te kakayo Nangolo banini ugo Nasinga mina moyo lolo Osu franse u Nangolo banini Isa sanga na samwene ko sapa Kabine molili baniga Emona kamota kabili ete u Lo sambo nini gana sambela Gase lopo kono mote ma osu franse u Baeba baby sala bisoli baloyo Bango nyoso babala Bawana kimia na bandako Souvenire nini bapesio Nakolo banini uro Gase lopo kono mote ma osu franse u La poète la ya vengeance La voix va coûter comme on a yo La carte y a testament la gagne Bon va me gaga inoki Babo sani ma beo salina Dumbela o salimo Christo Buka va moni ma yo tonga Na monte ma ya foto chico E fuma se va souvenir a ma be Oye bebi si li balo yo Dongo se fwa pre ko samba soufase Oh paparazie Bae ba baby sili baloyo ba bonyo so ba farso bala misiyo na ba promeso wapi bo mengo bala kakayo boyo yo so fota kateo ba hukala ba te kakayo na golo ba ninyo go na singa mina moyo lolo o so farso o so farso Tumela Kelasi mokola kokola koya kosa isayo Kona kisa yeto kite wako ya kosili sela ya ufamie La kisa yeko kabako kabeza linde kogumisa Kona kisa yeko sona te wako ya kosanga badinga na gante Souffrance Lumbondo Souffrance Tumela Tetela Maboko, maboko, la princesse Dia.